Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 3, du samedi 8 septembre 1883. Page 4, colonne 1. La politique au Massachusetts. L'atmosphère politique est pleine de rumeurs. L'ancien gouverneur Talbot doit avoir annoncé publiquement qu'il ne pouvait permettre que son nom fût porté pour la candidature aux fonctions de gouverneur à raison des nombreux travaux que lui imposent ses affaires privées. M. Robinson, député au Congrès, a écrit une lettre portant qu'il se devait à ses constituants du 12e district et se trouvait dans l'obligation de ne pas permettre que son nom fût prononcé à la prochaine convention. L'honorable H.L. Pierce a fait savoir à ses amis qu'il ne voulait pas être candidat, puis il s'agirait de pousser M. Oliver Wendell Holmes Jr., juge à la Cour suprême, à accepter la candidature du Parti républicain. Mais toutes ces rumeurs ne sont que des ondits. Dans les cercles indépendants, il est question de M. Adams, qui ferait certainement un candidat très fort. Depuis son discours sur l'étude des langues mortes, il a acquis la réputation parmi le peuple d'un homme pratique et judicieux. Nos mécaniciens et industriels, les plus intelligents, le considèrent comme l'ami d'une éducation saine et exempte des difficultés sans nombre qu'il est permis à quelques-uns seulement de surmonter. Les indépendants sont convoqués en assemblée à l'hôtel Young, Boston, pour aujourd'hui, après dîner, dans le but de prendre en considération quelle doit être l'attitude de ce parti aux prochaines élections. Cette assemblée sera certainement nombreuse et fréquentée par plusieurs de nos concitoyens distingués. D'après la lettre de convocation, le comité déclare que le général Butler n'est pas l'homme convenable pour être gouverneur. Et c'est probablement ce qui sera répété dans une proclamation à adresser aux électeurs. Le mouvement des indépendants a été bien accueilli, et pour autant qu'il s'agira de se débarrasser de Butler et d'aider le Parti républicain dans sa tâche, nous lui souhaitons qu'il réussisse. L'attitude actuelle de la section des Stalwarts est très active en faveur du Parti républicain. L'un d'entre eux, des plus influents, a dit dernièrement « Nous mettrons l'habit bas et irons à l'œuvre pour la victoire du bulletin sans faire aucune différence quant au candidat proposé. » Il est vrai de dire que dans cette section du Parti républicain, l'idée dominante a toujours été la suprématie de la discipline et que l'on se ferait de graves reproches d'avoir aidé à combattre la majorité du parti. Les démocrates sont aussi activement occupés, mais ils ont été quelque peu surpris de la détermination soudaine du gouverneur Butler, qui se pose comme candidat pour une seconde période. Leur proclamation aux électeurs est une parodie de la proclamation des républicains. Elle a été certainement passée en revue par le gouverneur avant d'être remise au comité. Elle invite les démocrates du Massachusetts et tous ceux qui sont disposés à se joindre à eux a envoyé des délégués à la Convention d'État pour prendre en main la défense du bon nom de l'État comme une république juste et bonne et favoriser le bien-être public par des améliorations continuelles dans les erreurs et les abus de l'administration. Il y a dans ces quelques mots une touche d'humeur enfoignée qui porte la marque spéciale du gouverneur Butler. Il se dit de plus appuyé par le clergé, et avoir en sa possession un grand nombre de lettres approuvant sa conduite, spécialement lors de l'enquête de la Maison des pauvres de Tewksbury. Le gouverneur se trouve fier d'être appuyé par les pasteurs, et il prétend s'en servir à l'occasion pour prouver que ses œuvres ont reçu les bénédictions de l'Église. De toutes les questions qui sont en discussion actuellement, une des principales est celle de la prohibition. On prétend qu'elle porte mauvaise chance aux républicains qui devraient la répudier, car toutes les fois qu'ils ont eu un prohibitionniste comme candidat, mal leur en a pris. C'est ainsi qu'en 1869, leur majorité est tombée de 70 000 à moins de 20 000. On se rappelle aussi la fatale défaite du gouverneur Talbot par M. Gaston en 1874. Ce fut avec Alexander H. Rice, un homme opposé par principe à la prohibition, que les républicains ont pu prendre leur revanche l'année suivante. L'automne dernier, le gouverneur Butler a battu M. Bishop, un zélé prohibitionniste. La logique de la situation, si le passé doit être pris pour guide, exige qu'il soit fait choix d'un candidat à vue large et n'ayant d'autres principes que ceux de la vraie liberté. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2012 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.